Vendredi 24 février, bienvenue à l'émission Les Différents sur les ondes de CKRL au 89.1. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Ce matin, ben le thème, en fait, de plus en plus, on entend parler d'autisme. On tente de comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un spectre? Un trouble? Et ce matin, je vais tenter, ben pas moi en fait, de répondre, mais c'est plutôt mon invité, aux questions que la plupart des gens se posent quand on parle d'autisme. Puis en même temps, je veux vous inviter, vous pouvez aussi aller sur la page Les Différents sur Facebook. Vous pouvez nous poser des questions aussi directement sur la page, sur le dernier post où est-ce que j'annonce mes invités de ce matin. Et plus tard aussi à l'émission, je vais recevoir Madame Joanne Leduc, qui est présidente fondatrice du Salon de l'autisme TSA du Québec, pour nous parler du salon qui aura lieu cette année. C'est une quatrième édition. Si je ne me trompe pas, je vais pouvoir lui poser la question. Mais cette année, c'est la première fois que ça va être à Lévis, donc à la fin du mois de mars. Mais pour commencer, puis pour nous éclairer aussi sur le sujet, j'ai en studio la rédactrice en chef et puis plein d'autres chapeaux qui est là, mais j'ai choisi rédactrice en chef du site spectredelautisme.com, Aube Labbé. Bonjour, Aube. Bonjour, Mélanie. Merci. Merci de venir parler ce matin de ce sujet-là, de ce qui est l'autisme, le spectre de l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme. Oui, effectivement. On ne sait plus quoi utiliser, mais ouais. J'aimerais pour commencer savoir, c'est quoi ton lien avec l'autisme? Mon lien avec l'autisme, dans les faits, mon histoire dans le monde de l'autisme a commencé il y a 3 ans. Même plus avant ça, en fait. Officiellement, on va dire 3 ans. Donc, je suis maman de 2 enfants autistes. Donc, quand ils étaient plus jeunes, certains signes, certaines caractéristiques de l'autisme étaient présentes. Mm-hmm. À ce moment-là, nous ne savions pas que les enfants avaient un trouble du spectre de l'autisme. On se sent plutôt incompétent comme parent, donc on pense que c'est notre faute et tout ça. Donc, mais avec le temps, ben puis avec les observations aussi de certaines personnes de l'entourage, on s'est mis à se poser des questions, plus particulièrement au début avec mon fils. Donc, sur plusieurs années, on a investigué. Le chemin a été très long, ça a été ardu, parce qu'il n'y a pas toujours une connaissance des professionnels en autisme. Donc, puis c'est ça. Donc, pratiquement après 2 ans d'investigation, on a reçu le diagnostic en premier pour mon fils, donc de syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Aujourd'hui, on n'utilise plus officiellement dans le DSM syndrome d'Asperger, mais c'est quand même le diagnostic qu'il a reçu. Ouais. Puis ma fille, ben plus un autisme plus sévère là, donc elle est ce qu'on pourrait appeler niveau 2-3, donc ce qui est utilisé, c'est modéré sévère, même si c'est peut-être pas le terme le plus exact. Donc, il y a 3 ans, diagnostic. Par la suite, en observant mes enfants, en lisant beaucoup sur le sujet, j'ai moi aussi, je me suis aussi posé certaines questions, à savoir si je pouvais pas moi aussi avoir un syndrome d'Asperger. Puisque dans certains comportements de mes enfants, je me reconnaissais beaucoup, mais c'est surtout que je me rendais compte que j'avais les clés en main souvent pour les aider et que ça fonctionnait. Okay. Donc, on a investigué. Puis il y a eu un son de cloche, là. Il y a eu un son de cloche, effectivement. Puis, en bout de ligne, j'ai reçu le diagnostic de syndrome d'Asperger. Et t'as quel âge à cette époque-là, quand t'apprends ça? T'es dans trentaine, vingtaine? 39 ans. 39 ans. Quand on a vécu 39 ans avec le syndrome d'Asperger, puis on n'est pas au courant, ça ne doit pas être évident non plus, là. Ça ne doit pas être évident. Non, en fait, je dirais que ça a été reçu comme un soulagement pour ma part. On s'entend quand on vit avec un syndrome d'Asperger, on cumule beaucoup de problématiques, donc sociales, depuis l'enfance. On se sent parfois étrangère dans un monde qu'on a du mal souvent à saisir. Donc, on vit aussi beaucoup de rejet socialement. J'ai été victime tout mon primaire et une partie du secondaire d'intimidation de la part de mes camarades de classe. Quand on devient adulte, on se sent pas nécessairement bien dans ce qu'on est, dans comment on se sent quand on est entouré de gens. Donc, on se culpabilise de un beaucoup. Donc, d'avoir les diagnostics a en fait servi à me pardonner, à me comprendre aussi. Oui, ben c'est ça que je me posais comme question. Ça doit donner des réponses à un moment donné, dire « Ah, ben attends, telle situation, pourquoi je me sentais comme ça? Pourquoi on se comprend plus à un moment donné? On se met un peu plus les yeux dans les trous, là. » Bien, en fait, je dirais au niveau... on se le cachera pas, une personne autiste, même adulte, va faire des crises. oui, ça arrive. C'est vrai? Oui. Oh oui. Ben, en fait, je vais plus... Qu'est-ce que j'entends par crise? Ben, c'est ça. Je vais quand même prendre le temps d'expliquer. Je vous explique que j'ai ce qu'on appelle une hypersensibilité au niveau sensoriel. Okay. Plus particulièrement au niveau de l'audition. Donc, personnellement, j'entends tout sur un même palier. Et les bruits sont très, très forts pour moi. Autrement dit, si je suis dans une pièce, qu'il y a une personne qui est en train de se préparer un café, que la télé joue, que les enfants crient dans une salle oui, à côté. Il faut dire que tu en as quatre là, quand même, fait que ça doit déménager. J'en ai deux plus jeunes. J'en ai deux plus jeunes. Les deux plus vieux sont plus à la maison. Okay. Donc, j'en ai un au cégep et j'en ai une qui est dans sa vie. Là. Donc, mais c'est ça. Donc, quand il y a beaucoup de bruit comme ça, on n'est plus capable de gérer. On peut se désorganiser. Et ça arrive que on n'est plus capable d'en prendre, puis là, oups, on se fâche. Je vous dirais qu'il y a 3 ans, un petit peu avant les trois dernières années, je le verbalisais, je disais, ben là, ça va pas, laissez-moi tranquille, je m'en allais dans ma chambre, mais c'était pas respecté. Donc, ça pouvait un petit peu dégénérer. Okay. Aujourd'hui, étant donné que je suis capable de mettre des mots sur ce que je vis, sur qu'est-ce qui se passe, maintenant je le sais. Bon, mais regarde, là ça va pas, je suis en surcharge, je vais m'en aller, je vais quitter quelques minutes, peut-être une demi-heure, peut-être une heure, puis quand je vais aller bien, mais je vais revenir. Puis là, on pourra recommencer à discuter et tout ça. Mais oui, ça arrive. Ça arrive. Oui, effectivement. Ben, déjà, en partant, je pense que je suis pas la seule à dire n'importe quel adulte, à un moment donné, pète sa coche. Oui. Je pense que tous les adultes peuvent arriver aussi à un moment donné. J'aimerais qu'on revienne sur l'autisme en général. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que là, les gens vont peut-être avoir en tête Rain Man. Où est-ce que Dustin Hoffman, quand il y a une boîte de cure-dents qui tombe, ben il sait combien est-ce qu'il y en a. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment... Un gros mythe. On a fait vraiment une caricature, mais c'est ça. Puis c'est une fausse croyance. C'est pas toutes les personnes autistes qui sont des Rain Man, là. Non, pas du tout. Je vous dirais que... d'apparence, en général, la personne autiste, on va la voir, puis à moins de la côtoyer pendant un bon moment, on le verra pas. Donc, ça paraît pas, je veux dire. Je suis certaine que d'apparence, quand on s'est vu tantôt, ça paraît pas. Non, je confirme. C'est pas écrit dans notre front. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas personne où est-ce que c'est écrit. Non, puis je dirais que c'est encore pire chez des enfants, en fait. Le jugement arrive souvent facilement parce qu'un adulte, je dirais que c'est pas perçu de la même façon. Je pense qu'on apprend jusqu'à une certaine limite, un certain contrôle, puis on s'adapte quand même d'une certaine façon. Chez un enfant Je donne par exemple, on va sortir avec un enfant, l'enfant va se désorganiser pour X raisons, il va être en crise. Extérieurement, il n'a pas l'air d'un enfant qui, dans son corps, dans sa tête, va pas bien. Mm-hmm. Il a plus l'air d'un enfant mal élevé, d'un enfant qui pique une crise pour rien. Oui. Donc, un enfant roi qu'on peut entendre aussi, des fois, ils doivent passer quand il y a une crise, par exemple, ou quoi que ce soit. Mais c'est quoi exactement? On parle de spectre, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le trouble du spectre de l'autisme, ne sont pas d'accord avec le terme, peut-être? En fait, moi, je ne vois pas les choses de la même façon. Il y a une chose qu'on va mettre au clair, ce sont des professionnels qui ont fait un DSM, qui est le DSM-5, qui en sont venus à un consensus. On appelle ça le trouble du spectre de l'autisme. Mm-hmm. Donc, c'est le terme exact qu'on doit employer quand on va parler de l'autisme, si on veut informer les parents, ce qu'ils reçoivent. C'est un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Donc, je sais que certaines personnes vont essayer de mettre en avant le fait qu'il faut pas utiliser tel ou tel terme. Moi, je suis plus du genre à dire, avant de s'enfarger dans les fleurs du tapis, est-ce qu'on peut s'unir? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Puis, est-ce qu'on peut être une communauté tissée serrée? Je veux dire, mm-hmm. C'est un détail. Donc, on a un travail de conscientisation, d'information, de sensibilisation à faire avant de s'enfarger dans les détails aussi peu. Mais en même temps, je comprends les adultes, parce que c'est souvent des adultes qui vont mm-hmm. mettre ce côté de l'autisme en avant. Je comprends ces adultes-là. Mais ce qu'eux, il faut qu'ils comprennent, c'est que nos enfants n'auront pas le même vécu qu'eux. Eux, souvent, ne savaient pas. Ils ont reçu des diagnostics à l'âge adulte. Mm-hmm. Donc, ils ont eu à faire face à peut-être de plus grands défis. Aujourd'hui, les familles le savent assez tôt. Les parents sont conscientisés plus. Mm-hmm. Ils savent un peu plus comment intervenir. Il y en a beaucoup qui vont. Oui. Mais on en parle plus maintenant, là. Heureusement. Heureusement, c'est une bonne chose. Donc, les enfants, les futurs adultes n'auront pas le même vécu. Donc, il faut faire attention avec ce genre de discours-là parce que ça s'applique vraiment pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui le perçoit comme ça. Puis c'est malheureux, mais parfois, c'est un discours qui divise aussi. Comment est-ce que c'est... comment je pourrais dire? Parce que c'est pas une maladie. Non. C'est une situation... Non. C'est quoi? En fait, parce que je pose vraiment les questions parce que souvent j'ai vu des commentaires, on sait des fois les réseaux sociaux sont assez directs, pas toujours sympathiques, mais des fois il y en a qui sont sympathiques aussi, puis on les aime sur les différents. un petit mot comme ça aux auditeurs. En fait, on voit des posts où est-ce que les gens disent... Non, il faut dire une personne autiste et non un autiste. Il faut... Tu parlais tantôt, là, justement, de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Mm-hmm. C'est ça. On ne sait plus comment nommer. On veut être correct, on veut être... puis on ne veut pas exclure non plus ces personnes-là. Mais il y a comme une exclusion qui se crée. C'est-tu moi qui se fait une idée? Ah oui, effectivement. Ou... Je peux assurer pour être dans le milieu depuis 3 ans, puis être assez bien en lien avec les parents et tout ça, qu'il y a effectivement une espèce de division présentement dans le milieu. Faut pas se le cacher. Mm-hmm. Se cacher les choses, ne pas les voir comme elles sont, on n'avance pas comme ça. Donc, c'est important d'être là puis de les nommer. C'est important de respecter la personne, comme pour n'importe quelle condition. Exactement. Donc, même moi, je me suis rangée derrière une partie du discours. Donc, oui, je vais utiliser « personne autiste », je vais être plus respectueuse dans certains termes, comme on va le faire pour une personne qui sera non-voyante. Ouais. Donc, on sait qu'il y en a non-voyants, c'est le terme. D'autres, le mot aveugle passe moins bien. Certains disent, voyons, moi, ça me dérange pas. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est vrai. Mais on a cette problématique-là. Là où il faut être prudent, c'est que l'important, c'est d'en parler. Oui, il faut, faire attention, Mais tant que c'est fait dans le respect. Faut faire dans le respect. Okay. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a eu, on voulait éliminer carrément le mot trouble. Non, mais c'est parce que il y a des professionnels qui se sont penchés là-dessus, on s'entend. Mm-hmm. Donc, pourquoi l'éliminer? Je veux dire, pourquoi vouloir tout changer comme ça? Comme je le mentionnais, on doit informer. Mais ça, c'est un détail pour moi. Donc, oui, une partie du discours, donc, tu disais personne autiste, mais pourquoi dire autiste serait moins bien? Mm-hmm. Et pourquoi on reprendrait d'emblée? Parce que c'est épouvantable, parfois, sur les réseaux sociaux. Ça mais peut ouais. être, on le sait, ça peut accrocher, puis accrocher fort, des fois. Mais pourquoi s'enfarger à s'obstiner à vouloir rentrer dans la tête des gens? Non, non, non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas bien. C'est pas la bonne chose à faire, selon moi. Il me semble qu'on n'est pas rendu là, là. Il y a tellement d'autres travail à faire. C'est ça, on devrait travailler un petit peu plus loin. Au niveau de... Tu parlais qu'il y avait des niveaux d'autisme. Oui. Il y en a trois, quatre? Il y en a trois. Puis souvent, ce qui arrive dans le... En fait, souvent, on va dire... Les gens vont parler de l'autisme comme en termes de sévérité. Mm-hmm. Ce qu'il faut mentionner avec le DSM-5, c'est qu'on ne parle pas de niveau de sévérité, mais de niveau de soutien nécessaire pour que la personne fonctionne bien. Donc, il y en a trois. Le plus, entre guillemets, et je mets vraiment en guillemets, le premier niveau serait le niveau 1, donc qui nécessite un soutien léger. Mm-hmm. Ça s'applique en fait dans deux sphères. Donc, on va évaluer au niveau de la communication sociale, puis on va évaluer au niveau des intérêts restreints. Donc, puis encore là, je vais mettre une parenthèse parce que je pense pas que les intérêts des personnes autistes soient restreints. Par contre, elles peuvent prendre beaucoup de place. Ah, ça, c'est okay. une certitude. Donc, on va Qu'est-ce parler... Qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce que Asperger peut être dans le niveau 1? Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Bien, en fait, ce qu'il faut prendre le temps de dire, c'est qu'Asperger, là... Il peut être les trois niveaux? Bien, en fait, c'est ça n'existe plus. On l'utilise okay. encore, okay. mais dans le niveau DSM-5, on a pris le terme Asperger, puis on l'a inclus dans le trouble du spectre de l'autisme. OK. Bon. Donc, on a pris ce qu'on appelait le trouble autistique. On a pris, mon Dieu, si je me souviens bien, je veux pas faire d'erreur. On a pris au niveau du trouble autistique, on a pris également ce qu'on appelle, en fait, c'était les troubles, avant ça, on appelait ça les troubles envahissants du développement. Donc, ce que ça comprenait, c'était les troubles autistiques, le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett. On avait le terme non spécifié, puis on avait aussi le trouble désintégratif de l'enfance. Je suis désolée. Finalement, il était trop compliqué à dire, on l'a mis dans l'autisme. C'est ça. En fait, aujourd'hui, ce qui est inclus dans le TSA, donc on va parler du trouble autistique, on va parler du syndrome d'Asperger, du trouble désintégratif de l'enfance et du terme non spécifié. Donc, le syndrome de Rett est complètement, en partie à part. On a ajouté également catégorie qui s'appelle le trouble de la communication pragmatique. En fait, c'est que le syndrome de Rett peut coexister avec le TSA, mais il n'est pas inclus dans le TSA. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'en entend pas. J'en sais très peu de choses. OK. Donc, je pourrais pas. Mais ça fait partie tout de même. Les niveaux, bon, donc le 1, on parle de gens qui peuvent focusser sur une chose. Qui peuvent avoir des intérêts prononcés. C'est que pour déterminer le niveau de soutien du TSA, mm-hmm. On va évaluer deux points. On va évaluer au niveau de la communication sociale, puis on va regarder aussi au niveau des intérêts restreints puis des comportements répétitifs. Donc, si on veut parler du niveau 1, nécessitant un soutien. Mm-hmm. Donc, on ne parle pas de sévère, mais ça nécessite un soutien. Donc, si on regarde au niveau de la communication sociale, la personne devrait, en temps normal, sans soutien, les déficits au niveau de la communication sociale provoquent des déficits notables. Donc, elle a de la difficulté à initier des interactions sociales, manifester des réponses concrètes. Elle manifeste, en fait, des réponses atypiques ou viennent à l'ouverture d'autrui. Donc, elle a de la misère à entrer en relation avec les gens. Puis, il y a un manque d'intérêt apparent là, pour les interactions sociales. Au niveau des intérêts restreints puis des comportements répétitifs, donc, on va parler que les rituels ou les comportements restreints vont nuire considérablement à son fonctionnement dans plusieurs contextes, dans un ou en fait ou plusieurs contextes. Puis, il va y avoir une résistance lorsque des personnes extérieures vont essayer de mettre fin aux comportements répétitifs ou restreints, puis qui vont essayer de rediriger ailleurs. Donc, on voit que... Puis le syndrome d'Asperger, entre guillemets, qui maintenant est un TSA, c'est souvent un TSA 1. OK. Donc, on parle plus de léger, on parle plus de modéré, on parle pas de sévère. C'est vraiment, donc, nécessite un soutien niveau 1. OK. Donc, par contre, mais encore là, c'est... Comment je pourrais vous expliquer? Le TSA, si on prend une ligne, qu'on se fait une ligne droite... puis qu'on la sépare en deux. D'un côté, on aurait les personnes dites neurotypiques, donc les gens, entre guillemets, normales, les personnes normales. Puis de l'autre côté, on aurait les gens qui sont sur le spectre de l'autisme. Okay. Donc, si on met au bout complètement, en fait, au début, on va y aller avec le niveau 3. Qui est plus prononcé. Qui est plus prononcé. Puis plus on va se rapprocher de notre ligne centrale, on va descendre en niveau de soutien. OK. Donc, entre guillemets, la personne va être plus adaptée. Mm-hmm. C'est pas tout à fait ça. Mais aux yeux des gens qui vont la regarder, ça va moins paraître. Puis le niveau 2, ça demande un petit peu plus d'accompagnement à ce qu'on comprend. Oui, quand même pas mal aussi. Là. Pas mal aussi, oui. Ouais. Oui, là, quand même. Il n'y a rien de léger dans l'autisme. Okay. Ça, il faut se le dire tout de suite. Ah oui? Non, il n'y a rien de léger. Mon fils est Asperger, puis je veux dire, si on regarde les niveaux de soutien, on pourrait parfois aller jusqu'au niveau 2. Okay. Donc, le profil va vraiment, d'une personne à l'autre, être différent. Donc, pis c'est la raison pour laquelle on a abandonné tous ces termes-là en autisme, puis qu'on est allé vraiment, on a englobé tout ça sous un même terme, puis qu'on y va avec des niveaux de soutien. Oui, puis, à ce que tu me disais, chaque personne est différente. Chaque personne, il n'y a pas deux personnes autistes qui va être pareil. Il y a autant de TSA que de personnes TSA. Il y a personne qui a le même profil. Il peut avoir des profils similaires, mais chaque personne va avoir son profil. Puis, il est important de souligner que dans le courant de sa vie, le profil peut changer. Mm-hmm. Il peut changer en mieux. Puis parfois, il y a des acquis qui peuvent être perdus ou qui peuvent devenir des défis. Mm-hmm. Donc... Il y a des mythes autour de ça. Oui, il y en a beaucoup. Mais il y en a deux qui ressortent beaucoup que je me suis un peu plus attardée parce que on fait des recherches et on voit qu'il y en a deux qui ressortent beaucoup. Mais encore là, je suis pas une spécialiste du TSA et je dirais le premier, l'alimentation. C'est ce qui est sorti dernièrement. Au niveau de l'alimentation, il y a, je crois, deux mères qui ont écrit un livre. Bon. Est-ce que je comprenais? Je me demandais réaction. Où vous vouliez en venir, en fait. Au niveau de l'alimentation, qui disent que selon ce que ces enfants autistes mangeraient, pourraient faire changer le diagnostic, si on peut dire diagnostic. Puis encore là, regarde, je marche sur des œufs là. Ouais, non, mais de toute façon, j'ai pris ma position, elle est ferme là-dessus, puis je suis connue dans le milieu pour avoir cette position-là, donc ça ne me met pas du tout dans l'embarras. En fait, la première chose qui est importante de souligner, c'est que, l'autisme, c'est pas une maladie, c'est une condition neurodéveloppementale. Ça ne se guérit pas. Donc, une maladie, ça soigne, une condition neurodéveloppementale, non. Donc, non, effectivement, oui, je sais qu'on a accordé beaucoup d'importance à ces médias. Heureusement, il y a eu des professionnels qui sont sortis, qui ont pris position, oui, dont Laurent Mottron. Le docteur Laurent Mottron. Oui, et heureusement qu'on a permis de rectifier le tir. Et c'est triste et à la fois inquiétant parce qu'il y a des parents qui, tu arrives dans le milieu, tu veux ce qu'il y a de mieux pour ton enfant, tu vas être prêt souvent à essayer beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc, Mais c'est pas de lui mettre un peu de pression à cet enfant-là, que s'il mange bien, tout ça? Non, ben en fait, je vous explique, c'est parce que... Est-ce qu'on peut expliquer exactement oui. ce qui... En fait, c'est la première chose à dire, c'est que si ce genre d'intervention-là fonctionnerait, on serait tous probablement sur le régime sans gluten. Donc, adultes, parents, mais ça fonctionne pas. Par contre, ce qui est important de souligner, parce que le discours qui est véhiculé est en partie vrai... Mais pas de la façon dont on veut le faire croire. Ce qui arrive en fait, c'est que souvent, en comorbidité avec l'autisme, la personne peut avoir des troubles gastro-intestinaux. Puis, il est possible qu'elle ait vu une amélioration des symptômes reliés à une condition associée. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être... je vous référerais sur la page du site, oui. Juste en bas, puis... Aller voir, peut-être, peut-on vraiment guérir de l'autisme? Donc, je pense que l'information, elle est là. Oui, parce qu'il y a ça. C'est très complexe. Il y a plein de mythes aussi. Même, on peut revenir après la pause avec les vaccins. C'est un gros mythe. Il y a des parents qui décident, non, moi, je veux pas faire vacciner mes enfants parce que je veux pas... Là, je vais faire griffer des oreilles, des dents. Ah, il y en a beaucoup. Je veux pas qu'ils attrapent cette maladie-là. Tu sais... On l'entend, effectivement. Puis comme tu dis, c'est pas une maladie non. qu'a d'être une personne autiste. Du tout. On va prendre une pause et puis on va revenir avec les restants de mythes et de préjugés. Oui, puis on pourra peut-être revenir un petit peu là, sur les caractéristiques au niveau de la maladie, là, au niveau du gluten. Aucun problème, on revient. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Il reste une demi-heure à cette belle émission-là où est-ce qu'on parle avec Aube Labbé du site spectredelautisme.com. On parle d'autisme ce matin. Oui. Il y en a beaucoup à dire. Il y en a beaucoup. Puis le pire, c'est qu'on va probablement passer... faire la moitié de ce dont on voulait parler aujourd'hui. Oui, parce que c'est un spectre. Oui. De ce qu'on a compris, c'est un spectre et il y a plein de couches à ça. Il y a plein de... Puis on parlait avant la pause de l'alimentation. Où est-ce qu'il y a des marques qui sont sorties pour dire qu'en changeant l'alimentation, les symptômes, comme elles ont dit aussi que ce que j'ai entendu, il y avait moins de crises au niveau de leurs enfants. Qu'est-ce que t'en... Tu disais que tu avais déjà pris position à ce niveau-là. Oui, puis, c'est ça. Ben, c'est le gluten qu'ils veulent couper? C'est exactement en fait, ça va plus loin que le gluten. On va parler du gluten puis des produits laitiers souvent. Donc, on va les inclure les deux dedans. Donc, mais c'est vrai. Ce qu'il faut dire, c'est que les mamans, là, c'est vrai qu'elles ont vu des améliorations. Ça, j'en doute même pas. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, en autisme, il va y avoir des comorbidités associées. Donc, des maladies qui peuvent être vues ou des problématiques qui peuvent être vues lorsqu'une personne est TSA. Donc, ce qui peut arriver souvent, c'est qu'une personne peut avoir eu certains problèmes au niveau gastro-intestinaux. Par la mise en application du régime sans gluten, il peut y avoir une amélioration des symptômes. Je vous donne l'exemple d'un enfant autiste qui souffrirait d'une maladie cœliaque, mais on ne l'a pas diagnostiqué. Donc, on sait que la maladie cœliaque peut être très, très douloureuse si la mise en place de certaines habitudes de vie puis alimentaire, mais elle n'est pas faite. Donc, l'enfant ne sera pas capable d'identifier puis de verbaliser le fait qu'il souffre. ou de verbaliser l'inconfort qui est le sien. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que l'enfant, il va pouvoir... automatiquement, il va faire plus de crises, plus de gestes d'autorégulation, d'automutilation. Il n'est pas bien. Donc, on élimine le gluten, on élimine une partie de la source du problème. Donc, automatiquement, ça va diminuer les fréquences de certains comportements autistiques. Mais l'autisme, il est toujours là. Il est toujours présent. Mm-hmm. Donc, c'est seulement un exemple. C'est d'accentuer, c'est ça. Si, admettons, puis aussi au niveau des enfants autistes, quand ils ont une douleur, ils ont quelque chose, ils n'ont pas toujours les mots pour le dire, pour certains. Donc là, c'est sûr et certain qu'il peut avoir apparence de crise. Puis s'ils ont mal, admettons, parce qu'ils sont intolérants au gluten ou aux produits laitiers, ce qui donne mal au ventre aussi, mm-hmm. ben c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de moyen de communiquer. C'est ce que je comprends. Bien, en fait, je veux dire... Le seul moyen qu'il y a de communiquer pour certains enfants, ça va être par, oui, peut-être ce qu'on appelle une crise, là, en fait. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis, il faut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont verbaux, considérés verbaux, mais qui ne sont pas plus capables d'identifier quand mm-hmm. ils ont mal. Ma fille, si je prends l'exemple de ma fille, elle est considérée verbale. Donc, elle est sévèrement atteinte dans son langage, dans les trois sphères du langage. Par contre, elle parle, sauf que quand elle est en souffrance, quand elle a mal, même avec l'aide de pictogrammes, d'aide visuelle, elle est incapable d'identifier sa douleur. Tout ce qu'elle voit, c'est sa douleur. Donc, mm-hmm. elle est incapable de nous dire où elle a mal. Donc, on a une enfant qui est en crise, qui pleure, qui va se balancer sur elle-même parce qu'elle est en souffrance. Donc, ça va être mis sur le dos de l'autisme au lieu admettons, une intolérance aux produits laitiers, tout ça. Tout à fait. J'aimerais ça qu'on parle des aides. Il n'y en a pas beaucoup d'aides. Écoute, là, je sais, on va aller parler aussi à Joanne mm-hmm. Duc tout à l'heure, dans quelques minutes. Au niveau des aides pour les enfants, autistes, qu'est-ce que les parents reçoivent comme aide, comme soutien? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il en manque encore beaucoup? Il y en a trop peu. Ils sont pas adaptés non plus. C'est difficilement accessible. Les listes d'attente sont très longues. Difficilement accessible, dans quel sens? Ben en fait, c'est au niveau des listes d'attente. OK. Il y a trop de demandes pour la capacité de fournir ces services-là. Donc, puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que dès que l'enfant est scolarisé, il n'y en a plus d'aide. C'est mm-hmm. terminé. OK. Donc, c'est avant l'école. C'est jusqu'à ce que l'enfant rentre en maternelle. Après ça, il n'y en a plus. Donc, s'il y a une bonne liste d'attente qu'il faut attendre justement pendant X temps... Il y a des enfants qui n'ont pas de service. C'est ça, ils n'auront pas de service parce que si c'est à 5 ans ou si, admettons, il y a une prématernelle qui existe, ben c'est terminé. Là. Il n'y en a plus d'aide. Non, effectivement, ça se termine là. Puis l'aide, faut souligner aussi que l'aide n'est pas égale partout dans les régions au Québec. Là. Mm-hmm. En temps normal, ce qui est mis en place à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le ICI. Donc, les séances comportementales intensives. Donc, sans vouloir faire l'histoire du ICI, je veux dire, à l'heure actuelle, ce qu'un enfant devrait recevoir, c'est 20 heures par semaine de ces séances-là. On est loin, hein, je pense. Il y a des gens qui reçoivent 10 heures. Dernièrement, j'ai lu quelque chose comme 2 heures quelque part. Ça n'a pas de sens, là, l'enfant, ça sert à rien. Pendant ces soins-là, pendant ces temps d'aide-là, qu'est-ce qui se passe en général? Bien, c'est difficile c'est de dire. C'est pour faire évoluer? Oui, c'est pour faire évoluer. En fait, c'est pour aider l'enfant, justement, à avancer dans certaines sphères. Entre autres, à mieux tolérer les transitions, faire certains acquis aussi, mm-hmm. donc développer certaines des capacités pour ce qui est de l'enfant. Le problème, c'est que... malheureusement, puis encore une fois, on ne le dit pas, on ne le dit pas assez, c'est pas administré partout pareil. Le ICI que j'ai reçu n'est pas nécessairement le ICI qu'une autre va recevoir. Donc, certains vont plus administrer un ICI dans la pratique ABA qu'on appelle pure, donc en donnant certaines petites récompenses alimentaires okay. motivatrices. Puis malheureusement, je peux pas dire que le discours est très élogieux contre l'ABA, malheureusement, qui je pense personnellement est très mal connu. D'autres personnes vont recevoir, et c'est ce que nous, on a reçu, on va recevoir une multitude d'interventions, on va aller chercher plusieurs interventions différentes, puis on va s'ajuster au profil de l'enfant. Et c'est ça qui est bon, c'est ce qu'il faudrait avoir. Donc, de mm-hmm. s'adapter à chaque enfant, parce qu'il n'y a pas un enfant qui va apprendre différemment. Non. Pareil, je veux dire. Et puis, on va prendre une pause musicale, et puis au retour, on va parler justement de plus d'aide, plus de renseignements, tout ça, avec le salon. Je vais prendre le nom au complet, c'est le Salon de l'autisme TSA du Québec qui va être à Lévis à la fin mars. Oui. Et puis, on va en parler après la pause musicale avec Joanne Leduc. On est de retour à l'émission Les Différents. Il nous reste pas grand temps. Et puis, j'ai en ligne Madame Joanne... Hey, mon Dieu, Joanne Leduc. Bonjour, Madame Leduc. Bonjour, Aude. Aube, voyons. Hey, moi, là, mettez-moi pas un téléphone à appeler. Il y a eu... en plus. On a eu du stress un peu. En fait, merci, Madame Leduc, d'être au différent. Merci à vous. Vous avez démarré, vous êtes fondatrice du Salon de l'autisme TSA du Québec, et puis cette année, ça va être à Lévis. Oui. C'est la quatrième édition que vous faites, c'est la première édition. À Lévis. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, les trois premières ont été à Laval. Puis là, cette année, là, pour le 31 mars, 1er avril, on va être à Lévis, au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez décidé de démarrer un salon pour l'autisme? En fait, je suis un peu comme Aube, hein? J'ai deux enfants autistes. Et puis, les miens ont 12 ans, 14 ans, et on parle de à l'époque, pourtant ça fait juste 12 ans qu'on a reçu le premier diagnostic, mais on peut déjà dire à l'époque, même si c'est que 12 ans. Il n'y avait rien, j'ai été longtemps perdue dans tout ça. J'ai finalement écrit le livre La souffrance des envahis parce que j'avais besoin d'en parler, sans pour autant vouloir nécessairement publier, mais je me suis rendu compte que finalement j'étais pas toute seule de ma gang. Puis un jour, j'ai voulu aller dans un salon de l'autisme pour aller chercher de l'information. L'autisme, ça touche tous les volets d'une vie. Mm-hmm. Donc, il y avait possibilité d'avoir à ce moment-là des centaines d'exposants qui peuvent nous aider, surtout quand on est des parents, puis intervenant entre eux aussi, puis pour les personnes autistes elles-mêmes au départ. Donc, j'ai voulu aller à ce salon-là, mais c'est beaucoup d'organisation et demander de faire un salon à un organisme qui en a déjà plein les bras. Donc, les organismes, les associations en autisme ne pouvaient pas, pratiquement pas faire ce salon-là parce que c'était beaucoup trop d'ouvrages. Et puis, par le temps que tout soit en branle, on aurait eu 5-6 ans d'attente, évidemment. Donc, moi, j'étais un peu pressée. Et puis, finalement, j'ai dit, écoute... je vais faire comme d'autres mamans qui ont créé des associations, des OSBL, etc. Donc, on finit par se créer nous-mêmes ce service-là. Et puis, j'ai décidé de le faire sans nécessairement, au départ, connaître ça beaucoup, beaucoup. Mais je me suis lancée là-dedans pour la première année et ça a été super bien. Donc, on en est rendu à la quatrième année maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'on y retrouve à ce salon-là? En fait, c'est un parce salon. Parce qu'il y a quand même plusieurs exposants. Il y en a quand même quoi, 75, 100? Oui, environ 75 pour Lévis. Oui. C'est un peu plus petit, le salon de Lévis. Mais par contre, 75 super exposants. Et puis, ce qui est le fun, c'est que c'est un salon de services. Il faut savoir que c'est pas un salon que de produits. C'est beaucoup d'OSBL. Ce qui est exceptionnel pour un salon, d'avoir des OSBL dans son salon, des organismes à but non lucratif. Et puis, c'est ce qui est la partie intéressante, c'est d'avoir accès à ces services-là. Il y a aussi des cliniques privées, évidemment, des services privés pour outiller les gens. Il y a des kiosques qui sont aussi pour aider le jeune adulte autiste à se trouver de l'emploi. Oui. Donc, évidemment, on est à ce moment-ci dans la région. Et puis, il y a des répits. Il y a aussi les super boutiques où on a envie de tout dévaliser en tant que parent et intervenant, ça c'est sûr. Mais c'est des produits exceptionnels qui sont vraiment liés à l'autisme et à toute différence aussi, il faut le rappeler. Oui, c'est le salon de l'autisme, mais parce évidemment, ça touche toute particularité chez un enfant. Et même, je vous dirais, pour des enfants qu'on appelle neurotypiques, là, oui. Il y a de tout aussi. Et oui. Puis, c'est ça. Puis comme nouveauté cette année, ben, on a le service de garderie qui est génial, qui est offert par le Centre de formation Grandir Autrement et Kid Planet qui vont fournir l'équipement pour que ces jeunes-là s'amusent pendant que les parents ou les intervenants le plus aller aux conférences. Vous m'avez amené sur le sujet. C'est tous les types de maladies. Il y a même aussi l'épilepsie. Il y a, Oui, parce que ça regroupe un enfant autiste peut avoir aussi d'autres peut avoir par exemple la trisomie, le TDAH, l'épilepsie, c'est ce que je lisais. Et puis, oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous offrez aussi différents types de services ou de renseignements sur les services, les soins. Ben, en fait, par la force des choses, ça s'est fait comme ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'on s'appelle encore le Salon de l'autisme TSA du Québec parce que c'est d'abord et avant tout ciblé en autisme parce que c'était une zone où il n'y avait pas grand-chose en français, tout de moins, au Québec. On était dans les premiers à faire ça. Et puis, mais ces cliniques-là ne font pas que l'autisme. Par exemple, une clinique privée qui va faire de l'évaluation, on va faire aussi autre chose. Donc, par la force des choses, les exposants offrent pour toute autre différence, le TDAH, la déficience intellectuelle. On a maintenant l'association de la Tourette qui sont là, l'association de la Tourette. Donc, c'est très près. Le cerveau, c'est petit. Donc, on est 1000 mètres à côté et déjà, on est ailleurs. Donc, il y a beaucoup de troubles aussi reliés et qui sont très près. Donc, finalement, tous ces gens-là travaillent dans un unique but. Là. C'est vraiment d'aider le parent, d'aider aussi les intervenants. On a beaucoup d'intervenants qui viennent aux conférences, qui viennent visiter les exposants pour en apprendre encore davantage. On a toujours à apprendre en autisme. On n'est jamais... on plafonne pas, là. On est encore dans l'apprentissage. Et pour les parents qui voudraient assister au salon, il y a un service aussi sur place. Il y a une garderie, si je ne me trompe pas, pour les 2 à 16 ans. On a offert cette option-là cette année. Donc, la seule chose qu'on demande, évidemment, c'est une inscription en ligne pour qu'on puisse avoir une fiche descriptive de l'enfant. Ça peut être un enfant, oui, avec un diagnostic, mais ça peut être également un enfant qui n'en a pas parce que, bon, on sait, les parents, beaucoup de parents monoparentales ne pouvaient pas venir dans le passé au salon et ça m'attristait vraiment beaucoup parce que le salon est aussi pour ces parents-là. Et c'est sécuritaire. Ben c'est ça. Donc, pour augmenter la sécurité, pour être sûr que l'enfant, ça se passe bien, parce que oui, il y aura des enfants qui seront autistes ou peu importe le diagnostic, mais il y aura à travers ça peut-être des enfants neurotypiques. Donc, il faut s'assurer que tout se passe bien, que les enfants ont du plaisir, que le parent s'en va être reposé à la conférence. Donc, on demande une petite inscription en ligne. La personne va communiquer avec le parent pour s'assurer que, on le sait, Aube en a parlé, toutes les particularités d'un enfant autiste, ça peut être assez complexe. On n'a pas le temps de connaître, évidemment, profondément cet enfant-là qui va être inscrit. Mais tout va être mis en place pour que ça se passe super bien. C'est un local fermé, un grand local, une quarantaine de pieds par 40. Donc, il n'y a pas de danger. On va tout faire pour que ça soit super le fun, autant pour le que pour l'enfant. Et puis, pour assister au salon, il y a une inscription qu'il faut faire. Puis, le prix du billet aussi, il faut en parler. C'est quand oui, même... c'est pas dispendieux. Là, on parle de pour 2 jours de conférence, on parle à 35 $ pour un adulte. Si c'est une journée, c'est 20 $. Mais dans ce temps-là, ça vaudrait quasiment la peine parce qu'il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de conférenciers. Oui, en fait, c'est ça. La manière que ça fonctionne, nous, ce qu'on suggère fortement, comme il y a déjà des conférences qui sont complètes et ça va très vite, on peut pas garantir là que oui on va fermer la billetterie autour du 28 mars je crois, mais il vaut mieux réserver. S'il y a une conférence que vous tenez vraiment à aller, vaut mieux les réserver en ligne dès maintenant. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, ce sont quand même des salles à place réservée, bien que c'est 90, 100, 150 au niveau de l'espace, ça se remplit vraiment très vite. On essaie d'avoir des coûts vraiment pas chers pour aider tout le monde, pour aider les parents. Moi, en tant que parent, j'ai été tannée à un moment donné aussi de payer des prix de fou là, pour aller chercher de l'information. Donc, on maintient ces prix-là exprès pour donner accès, dans le fond, le plus possible à l'information. Ben oui. Donc, c'est 35 $ pour les deux jours, taxes incluses, incluant les conférences, ce qui représente environ 3 conférences sur un choix de 12 le vendredi. Et 3 conférences sur un choix de 9 le samedi. Donc, c'est pas cher pour venir chercher vraiment de l'information. Pour s'inscrire salon? Oui, c'est le salon de l'autisme tsa.com. Et vous allez dans billetterie. Ouais. Et puis, vous avez là toute l'information. Vous cliquez sur achat et réservation. Vous allez tomber sur un onglet où, à ce moment-là, vous décidez ce que vous voulez comme réservation et achat. Et c'est nouveau cette année, la billetterie. Tout est électronique. Donc, c'est un peu comme n'importe quel spectacle où on va. Donc, si on a acheté en pré-vente, comme maintenant, billetterie en ligne, bien, on n'a pas besoin de passer à la billetterie sur place. On sauve la file d'attente et ça passe avec un scan là, directement à la salle d'exposants mm-hmm. ou directement aux salles de conférences. Et puis, je vais mettre les liens aussi sur la page Les Différents sur Facebook. Et j'ai vu aussi, vous recherchez aussi des bénévoles pour le salon. Oui, on en recherche toujours. Oui, donc, parce qu'on a bien du plaisir. Et on peut vous contacter. On a toujours besoin de bénévoles. Oui, hein? On peut vous contacter à quel numéro pour ou est-ce qu'on va sur le site aussi? Bien, il y a beaucoup d'informations sur le site. J'encourage les gens à aller voir qui on est, ce qu'on a fait dans le passé aussi. Il y a des photos, il y a des vidéos, etc. Pour les bénévoles, vous allez sous l'onglet « Bénévolat » et puis à ce moment-là, il y a le formulaire à compléter. Pour réserver, vous allez sur billetterie. Mais allez voir la liste des conférenciers dans conférence, l'horaire des conférenciers, chacun, la description, ils ont tous une page avec qui ils sont puis ce qu'ils s'en viennent dire. Et puis, il y a les exposants aussi à aller regarder là, la liste des exposants, là, des 75 exposants qui seront présents. Et aussi, cette année, on a ajouté ça, on est content d'être associé à la Fondation Véro et Louis. Donc, on va essayer de ramasser un maximum de sous pour la Fondation, pour qu'ils puissent faire de plus des maisons partout pour nos adultes. Oui, parce qu'ils veulent faire des maisons partout. Joanne Leduc, c'est tout le temps qu'on a. Oui, mais, c'est correct, merci. Merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer. Et puis, c'est le 31 mars et 1er avril prochain, le Salon de l'autisme TSA du Québec. Merci beaucoup, Joanne. Oui. Si vous êtes cordialement invité, juste m'appeler. Aucun problème, ça va me faire plaisir. Okay, merci, bonjour. Merci, bye-bye. Oh, Blabé, oui. On revient à toi. Écoute, tu as un site spectredelautisme.com. On va continuer là-dessus aussi. Tu as beaucoup d'informations parce que là, le temps file. Oui. C'est incroyable. On a une fraction du sujet de passé. C'est puis... le cinquième de ce qu'on voulait aborder. Exactement. Puis, vraiment, là, c'est très apprécié. J'aimerais ça que tu parles de ton site aussi pour qu'on puisse comprendre plus, puis on a des informations qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. En fait, spectredelautisme.com, c'est un projet qui a été débuté il y a 3 ans. Lorsque j'ai reçu les diagnostics de mes enfants, je me suis rendu compte qu'on cherche beaucoup, beaucoup pour avoir l'information sur Internet. J'ai travaillé depuis 1 an et demi à essayer d'offrir aux parents le site que j'aurais aimé avoir lorsque je suis arrivée dans le monde de l'autisme. Donc, sur le site, il est possible d'avoir... Là, c'est seulement un début, là, parce qu'on commence à avoir des professionnels qui se greffent à l'équipe. Donc, pour apporter de l'information que le parent a besoin. Donc, le parent va pouvoir poser ses questions et va courir la chance, en fait, que on va reprendre ces sujets-là pour donner de l'information. Donc, mais à l'heure actuelle, on peut trouver beaucoup d'informations sur ce qu'est l'autisme, sur les signes, les particularités. On va aborder le sujet des méthodes d'éducation et d'intervention, les professions spécialisées, les conseils de pros. Il y a du matériel imprimable accessible gratuitement, des ressources en ligne. Il y a une section blog aussi où les professionnels vont s'adresser, partager d'infos. Bref, c'est un site qu'on veut le plus complet et accessible gratuitement pour le parent. l'intervenant, puis le professionnel aussi qui en aura besoin. Et on peut trouver ça à spectredelautisme.com. Tout simplement. Omble Labbé, merci beaucoup. Merci de ta générosité d'être passé ce matin pour nous parler, de, comme je disais, d'une fraction de l'autisme, puisque ce que c'est exactement. Merci beaucoup d'avoir ouvert les esprits et nous avoir expliqué qu'est-ce que c'était.